conception, sans division, sans concession, en vraie conception. Tendre la main, ne penser au lendemain, ne pas en faire une option, un abandon. Solidaire. Le processus de sélection n'est pas destiné à être une expérience. Allez-y, dessinez, continuez, n'arrêtez pas, allez-y. Vous allez m'aider. Vous allez m'aider à débrancher. Personne ne nous a dit comment débrancher. Alors vous allez m'aider à débrancher. Aidez-moi à débrancher. Vous allez m'aider. Vous allez m'aider à débrancher.